L'image que nous connaissons de Jupiter est le plus souvent cette grosse boule orangée montrant des bandes parallèles plus ou moins claires et cette grosse tache rouge dans son hémisphère sud. Et il semble bien que cet aspect classique de Jupiter est en train de changer. Et rapidement, la grande tache rouge ne sera bientôt plus qu'un petit cyclone anodin comme il en existe de nombreux sur Jupiter. Car il faut déjà rappeler la nature de ce grain de beauté jovien qui nous est si familier. Il s'agit d'un phénomène climatique, une monstrueuse tempête qui sévit dans l'atmosphère de Jupiter depuis au moins 400 ans. Nous la connaissons depuis que Cassini a observé la planète géante au XVIIe siècle. Il y a 130 ans, la grande tache rouge portait vraiment bien son nom. Elle avait une forme très allongée de près de 40 000 km de longueur. Ne serait-ce qu'il y a 40 ans, la grande tache formait encore un gros disque sombre bien visible. Mais c'est de moins en moins le cas. Il n'est pas rare que l'on ait un peu de mal désormais à la distinguer au télescope d'amateur. En 1979, elle s'étendait encore sur 25 000 km, deux fois le diamètre de la Terre quand même. Quand les sondes Voyager 1 et 2 lui rendirent visite pour en faire des images somptueuses. Damian Peach, un astrophotographe renommé, a mesuré précisément l'évolution de la grande tache rouge sur la décennie qui vient de s'écouler, et le résultat est instructif. En février 2003, il obtenait 18 420 km. En avril 2005, 18 000 km. En septembre 2010, 17 624 km. En janvier 2013, 16 954 km. En septembre 2013, 15 894 km et enfin en décembre 2013, 15 302 km. Le rétrécissement de la grande tache ne fait qu'accélérer. En décembre 2013, elle ne faisait plus que 1,2 diamètre terrestre. Ce qui est intéressant à noter et qui a pu être mesuré, c'est que la période de rotation de ce cyclone géant au cours du rétrécissement s'est accélérée. Alors qu'elle était de l'ordre de 6 jours il y a encore 30 ans, elle n'est plus que de 4 jours aujourd'hui. La tempête semble conserver son moment cinétique, à l'image du patineur qui tourne plus vite en rejoignant ses bras le long de son corps. Il faut également se rappeler d'un fait étonnant. La grande tache rouge semble avoir complètement disparu entre 1713 et 1830. Période au cours de laquelle aucune observation de Jupiter n'y faisait mention, pour réapparaître en 1831 sous forme d'un disque pâle. Il n'est cependant pas certain que cette tache réapparue en 1831, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, soit la même que celle qu'avait découvert Cassini en 1665. Si le rétrécissement se poursuit, ce qui est plus que probable, la grande tache perdra son adjectif qualificatif. Mais Jupiter a du ressort pour nous montrer sa beauté, car dans l'hémisphère opposé à celui de la grande tache se trouve une autre tempête qui, elle, semble avoir tendance à grossir. On l'appelle la tache rouge junior, et elle fait déjà la moitié de la taille de sa grande sœur. Rien ne dit que le spectacle ne va pas continuer sur Jupiter.